Vous êtes à l'écoute du territoire. Ah, le journalisme régional. Il était en crise, disait-on, il y a même pas 10 ans, et aujourd'hui, il semble se porter un peu mieux. Une des journalistes qui a vécu de près cette évolution est Marie-Ève Martel. Elle en a même tiré un livre, « Extinction de voix », paru en 2018. Marie-Ève Martel a travaillé autant pour des journaux hebdomadaires en Montérégie, et ce, dès le début des années 2010, que pour le quotidien La Voix de l'Est à Granby. En fait, à l'exception d'un court passage au soleil à Québec à sa sortie de l'université, c'est toute sa carrière journalistique qui s'est déroulée en région montérégienne et estrienne. Je suis Paul Fontaine et aujourd'hui, sur les ondes de CISM 89.3, un entretien avec la journaliste et autrice Marie-Ève Martel. Quelles relations les élus entretiennent-ils avec les journalistes en région? Est-ce que les médias nationaux s'intéressent suffisamment aux enjeux locaux? Et l'accès à l'information, hein, ce devoir de transparence qui fait rager à la fois les journalistes et les fonctionnaires, comment se porte-t-elle en région? C'est un aperçu des questions qui sont abordées en circuit fermé entre Marie-Ève Martel et Renaud Chicoine-McKenzie. Marie-Ève Martel, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. En 2018, vous publiez votre premier livre, Extinction de voix, qui dresse un portrait du journalisme régional qui est, dans vos mots, assez précaire. Depuis, le paysage médiatique a beaucoup changé. Il y a eu des ententes des médias avec les grandes compagnies technologiques. Il y a eu l'initiative de journalisme local au niveau fédéral et au niveau provincial, il y a eu des crédits d'impôt. Avant qu'on se tourne un petit peu vers l'histoire puis la pratique du journalisme local au Québec, c'est quoi l'état actuel du journalisme régional? Bien, en fait, je pense que depuis 5 ans, l'hécatombe a pu être freinée. Je pense pas que tous les médias sont sortis d'affaires. On en a passé pendant... Bon, on parle de la crise des médias depuis très longtemps, maintenant 20 ans peut-être. Je pense que les aides, effectivement, là, comme les crédits d'impôt sur les salaires, les partenariats avec les géants du web et tout ça, je pense que ça l'a vraiment aidé parce que moi, de toute ma carrière, ça fait presque 15 ans que je suis journaliste, j'ai jamais vu autant d'offres d'emploi. Donc, est-ce que c'est parce qu'on crée des emplois ou parce que tout le monde délaisse le métier? Je pense que, au contraire, le journalisme, surtout local, voit des beaux jours grâce à ces aides-là. Il y a vraiment un regain, en fait, là, d'embauche dans les médias et je pense que c'est parce qu'on a pris conscience du rôle que jouaient ces médias-là et puis maintenant, on a agi pour éviter là que d'autres médias disparaissent là un peu dans l'oubli. Tu as commencé, tu l'as dit, il y a 10-15 ans, ta carrière en journalisme. Dès le départ, tu t'es tourné vers la région, souvent en Montérégie, en Estrie. Pourquoi tu t'es tourné vers les régions pour pratiquer ce métier-là? En fait, j'ai pas eu le choix. Quand j'ai fini mon bac en 2009, déjà pendant mes études, on nous disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'emplois en journaliste, que ça allait être les plus persévérants qui allaient rester. Moi, je suis originaire de la région de Québec, de la ville de Québec, en fait. Donc, c'est sûr que quand je faisais mes études, je me voyais travailler au Soleil ou à l'Assemblée nationale pour la presse canadienne. C'était ma job de rêve à l'époque. Et quand j'ai fini mes études, effectivement, je n'ai pas eu d'emploi tout de suite dans mon domaine. Puis il faut savoir aussi que je connaissais pas le milieu des médias autant que maintenant, donc tu sais, tout ce qui était radio, j'avais pas pensé, le magazine, ben moi je voulais pas nécessairement être pigiste. Donc j'ai fini par être embauchée au quotidien Le Soleil, mais c'était pour faire les avis de décès. Donc c'était pas une job de journaliste, c'était une job de service à la clientèle. Donc je m'occupais de réviser les fautes de français dans les avis de décès, les mettre en page. Après ça, je me suis occupée de faire les annonces classées et aussi le service des abonnements. Donc j'ai appris un peu comment rouler un journal sans écrire dedans. Mais ma carrière de journaliste a décollé en fait en 2010 quand il a fallu que je déménage pour aller en Montérégie travailler dans des hebdos. Donc, un groupe de presse qui s'appelait les Hebdos Montérégiens. Et ben c'est ça. En fait, j'ai passé l'entrevue, puis après, j'ai eu 2 semaines pour m'acheter une voiture puis me trouver un appartement. J'habitais encore chez mon père à l'époque. Fait que ça a été un changement très, très, très subi. Et en fait, j'ai jamais quitté la Montérégie depuis ce temps-là. C'est quelque chose d'assez concret, là, acheter une auto, louer un appartement. On va justement se tourner vers quelque chose d'assez concret, c'est-à-dire la pratique du métier de journalisme en région en tant que tel. En quoi est-ce que sa pratique est distincte du journalisme à Montréal, disons? En fait, c'est que Montréal, c'est la même chose, mais c'est 150 millions de fois plus gros. C'est aussi la compétition. Il y a beaucoup, beaucoup de médias. Je pourrais pas te dire quel pourcentage de médias il y a à Montréal par rapport au reste de la province, mais c'est certainement plus que la moitié quand on compte tous les médias spécialisés. Mais en fait, être journaliste en région, ben c'est être journaliste spécialisé, mais généraliste en même temps, dans le sens où il faut savoir tout faire, mais avec un angle local très précis, parce qu'on couvre un territoire qui est délimité. Donc, à ce moment-là, ben c'est vraiment de s'imprégner de la communauté dans laquelle on travaille pour vraiment suivre son pouls au diapason, je dirais, et vraiment connaître les enjeux qui concernent la population et savoir leur expliquer aussi les enjeux qu'ils devraient connaître pour être des citoyens éclairés. Place-là du journalisme régional au sein de sa communauté lui procure un certain avantage, là, tu en as parlé, dans la couverture de sa région. Il en connaît les enjeux de près et les acteurs aussi, mais cette proximité peut parfois poser un problème. Comment est-ce que le journalisme régional fait pour garder son indépendance vis-à-vis d'intervenants qui croisent peut-être parfois à l'épicerie? En fait, c'est un des avantage et un inconvénient parce qu'effectivement, on a souvent côtoyé nos sources, donc on développe un lien de proximité assez rapidement. Puis quand le courant passe avec notre source, ben c'est très facile d'obtenir l'information. Mais évidemment, ben comme journaliste, peut-être que le maire de la municipalité, c'est aussi mon coiffeur. Alors là, est-ce qu'il y a un autre coiffeur où je peux aller me faire couper les cheveux? Parce que si j'ai un lien d'affaires avec le maire, je me place en potentiel conflit d'intérêts. C'est déjà arrivé sur le territoire de la Voie de l'Est où j'ai travaillé pendant 10 ans. On avait un maire qui était aussi administrateur du centre de santé, là, les anciens les regroupements locaux de santé, je me rappelle plus du nom, mais qui était aussi président de la commission scolaire, entrepreneur, et puis les conseillers des villes parce qu'il était entrepreneur consultant pour des municipalités. Fait que cette personne-là, elle était incroyablement impliquée dans la région, mais c'était une source incontournable. Donc, une chance que cette personne-là nous appréciait beaucoup et connaissait et surtout comprenait le rôle des médias, parce que sinon, ça aurait été vraiment plus difficile de faire notre travail. Mais c'est ça, il faut apprendre à s'impliquer dans le milieu, à faire partie de la communauté, parce qu'on y vit, je veux pas, mais toujours en gardant une espèce de saine distance avec nos sources, donc de pas développer des amitiés avec des gens avec qui on peut être amené à travailler souvent, éviter les conflits d'intérêts, et vraiment, ça peut passer par une relation d'affaires, comme il y a déjà eu une histoire dans l'Est du Québec, là, où c'est dans une province maritime, le journaliste qui arrive en région pour travailler, puis le seul logement qui est disponible, ben c'est dans le sous-sol de chez le maire. Ouais. Donc là, il se retrouvait avec le maire dont il devait parler des affaires municipales, mais en même temps, la personne qui fait l'objet de ses reportages, c'était son locataire. Donc ça amène une proximité, puis des fois, c'est presque cartoonesque là, dans certains milieux où c'est vraiment beaucoup plus petit, ça ne change rien que le métier du journaliste est essentiel. Et malheureusement, c'est pas toutes les municipalités du Québec qui ont un journaliste, à tout le moins, parce qu'il y a des endroits où il y a un journaliste. Ailleurs, il y a des équipes un peu plus grandes. Donc, c'est sûr que si on est 2 journalistes puis qu'il y en a un qui se retrouve dans une situation potentiellement délicate, disons ça comme ça, ben là, à ce moment-là, c'est plus facile d'envoyer l'autre. Mais il y a d'autres endroits, c'est pas possible. Donc, à ce moment-là, on peut faire des acrobaties un peu, mais je pense qu'un journaliste qui développe son expérience et qui garde en tête les principes éthiques et déontologiques peut facilement tirer son épingle du jeu. Tu l'as évoqué tantôt, la chance que vous avez eue d'avoir un maire qui comprenait le métier. C'est quoi le rapport des élus, justement, aux journalistes? Dans votre livre, vous faites état, vous racontez avoir été exclu d'une consultation publique à Granby en 2013. Est-ce que ce genre d'incident-là est fréquent? Plus qu'on le pense, mais c'est très variable. En fait, c'est vraiment personnel. Ça dépend de c'est qui est assis dans le siège d'élu. Bon, dans ce cas-ci, on parlait d'un maire, mais ça peut être des conseillers municipaux, des préfets, même des députés. Quoique les députés, étant donné qu'ils vont à Québec ou à Ottawa, ils sont généralement plus habitués à la présence des médias, mais dans des plus petites municipalités où il n'y a pas toujours eu de journaliste, où il y a juste un journaliste, ça peut être intimidant d'avoir une présence médiatique au début. Et en fait, les élus, règle générale, c'est comme c'est des citoyens aussi, hein, donc ils ont la même perception des médias que à peu près n'importe qui. Et souvent, cette perception-là va aller dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire ou bien les médias sont une courroie de transmission, ils sont nos relationnistes externes, ou bien c'est des fauteurs de troubles qui cherchent des bébites pour empêcher les choses de tourner en rond. T'sais, notre rôle, il est un peu entre les deux. Puis moi, en fait, quand je couvre des élections municipales, je rencontre tous les candidats. Évidemment, on ne sait pas qui va gagner tant que l'élection n'est pas terminée. Et je leur dis à tous que mon rôle, c'est d'être là, que ça aille bien ou que ça aille mal. Donc, je vais leur poser des questions quand ça va aller mal et j'espère qu'ils vont être au rendez-vous. Mais quand ça va aller bien, je vais être là aussi parce que moi, je n'ai pas à prendre parti pour ou contre eux. Mais je leur dis qu'on va être comme un vieux couple, finalement. Avec mon collègue Paul, on a couvert, justement, dans le cadre de notre émission, plusieurs régions. On a rencontré plusieurs personnes, des maires, des conseillers de différentes municipalités. Puis justement, ces personnes-là sont souvent des citoyens, vous l'avez dit, d'abord et avant tout. C'est quoi le rapport à l'autorité? Est-ce que vous sentez le même devoir comme journaliste d'imposer une redevabilité ou une imputabilité à ces personnes-là, malgré le fait que ça soit souvent des personnes qui viennent un petit peu par la force des choses dans le milieu politique? Bien, en fait, je veux dire, de devoir une charge publique, d'être représentant de la population, ça implique une reddition de compte. À la minute, puisqu'on a une charge publique ou qu'on gère des fonds publics, ça vient automatiquement. Qu'il y ait des journalistes ou pas, ils sont obligés par leur fonction de rendre des comptes, que ce soit par les conseils municipaux, par la publication de rapports annuels. Il y a certains documents qui doivent être rendus publics. Donc, le journaliste, en fait, c'est pas lui qui force la reddition de compte, c'est lui qui la propage plus loin que le simple milieu, parce que c'est déjà arrivé que je couvre des séances de conseil municipal, puis il y avait plus de gens du côté de la table du conseil que dans la salle avec les citoyens. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, la politique municipale, mais pourtant, c'est la politique qui est la plus près de nous autres, et c'est là où les décisions qui ont un impact concret sur notre quotidien sont prises. Donc, je pense que c'est très important que si les citoyens ne vont pas eux-mêmes demander des comptes à leurs élus, ils ne vont pas s'informer des décisions qui sont prises, qu'il y ait au moins une façon pour ces gens-là d'avoir accès à ces décisions-là. Et c'est là l'importance du journaliste en région, parce que c'est souvent lui qui va se faire, pas le porte-parole, mais plutôt le messager avec une vision critique, avec le filtre journalistique des décisions qui sont prises. Puis lui va pouvoir les mettre en perspective aussi, des fois, de présenter l'information par rapport au passé, de rappeler des faits ou de les comparer à ce qui s'est passé dans une autre municipalité, par exemple. Ça permet une meilleure compréhension de la part des citoyens. Et c'est là que c'est important, parce que la reddition de compte, c'est ce qui garantit finalement la confiance des citoyens envers le système. La question de la transparence, justement, vous avez écrit un livre là-dessus qui vient d'être publié. Encore là, ça pose des défis spécifiques aux municipalités, aux régions. C'est quoi ces défis que le monde régional a par rapport à la transparence de l'information? Bien, encore une fois, puis j'en parle dans Privé de sens, justement, c'est une question de grosseur, souvent. Dans une grande municipalité comme Montréal, il y a un service juridique où, là, par exemple, les demandes d'accès à l'information vont être traitées par quelqu'un qui a probablement une formation en droit, donc qui comprend aussi comment fonctionnent les lois, des gens que c'est leur travail de préparer des rapports, de partager des données. Dans une municipalité en région, puis là, je vais vraiment prendre l'exemple de la plus petite municipalité que vous pouvez pas imaginer, il y a deux employés au bureau municipal, puis il y a le conseil, puis il y a les travaux publics, ben en fait, il va y avoir le directeur général qui va être aussi secrétaire et trésorier, il va avoir une secrétaire à l'accueil. Et là, bon, ben ça va tomber encore dans la cour du fonctionnaire municipal de traiter les demandes. Ça va se faire en plus de tout l'autre travail. Donc, cette personne-là, elle n'a pas le temps nécessairement de s'outiller pour comprendre la loi, avoir rendre les documents que public, les documents que la loi l'oblige à faire, parce qu'il y a effectivement des obligations légales quand on occupe les fonctions, quand on travaille dans une municipalité, mais tout ce qui va être au-delà de ça, ben là, ça va être selon son temps, ça va être selon sa connaissance du dossier, ça va être aussi selon peut-être l'appréciation qu'elle a de la personne qui fait la demande, parce qu'on voit beaucoup, et ça, en fait, c'est pas juste dans les municipalités, là, c'est vraiment généralisé dans le système d'accès à l'information au Québec. Il y a des demandes qui sont acceptées parce qu'on aime la personne qui nous le demande, et puis parce que l'autre, on considère que c'est un opposant de la municipalité ou du conseil, on va lui refuser, alors que ça serait la même demande. Il y a beaucoup d'anomalies en ce moment dans le traitement des demandes d'accès à l'information parce que, en fait, ce qui est ironique, c'est que les organisations ne sont pas nécessairement obligées de rendre des comptes sur les demandes qu'ils reçoivent. Et il n'y a pas de formation obligatoire non plus pour les gens qui sont en charge de l'administrer, la loi à l'interne. Donc, ça donne lieu vraiment à des iniquités de traitement qui sont très flagrantes d'une organisation à l'autre. Et on suppose quand même qu'il pourrait même arriver que quelqu'un doit fournir de l'information sur soi-même ou sur ses propres actions, par exemple, dans le sens que si, comme vous le dites, le directeur général d'une municipalité est celui qui s'occupe de l'accès à l'information et qu'il est l'objet d'une enquête, est-ce qu'il arrive ce genre de situation-là qui pourrait être problématique du point de vue journalistique? Ben c'est déjà arrivé dans mon cas là, dans Extinction là, j'en fais mention, puis dans Privé de sens aussi, c'est que j'enquêtais sur des offices municipaux d'habitation, donc un groupe de quatre immeubles là avec des loyers modiques qui étaient gérés par une seule et même gestionnaire, et en fait j'avais reçu comme information d'un informateur anonyme que cette dame là donnait des contrats de gré à gré pour l'entretien et les réparations à son frère qui est entrepreneur général, et selon la loi, en fait, en bas d'un certain montant, on peut effectivement donner des contrats sans passer en appel d'offres, mais à partir d'un autre montant, là, il faut y aller sur invitation ou publier même un appel d'offres sur le système gouvernemental. Et donc là, moi, je voulais voir si la somme des montants dépassait les seuils établis par le gouvernement, parce que bon, on peut bien morceler un peu pour donner l'impression que tous les contrats de gré à gré sont petits. J'ai donc dû appeler à l'office municipal d'habitation et malheureusement, ben la dame, c'était la seule employée. Donc oui, c'était un peu malaisant. Je lui ai dit, ben écoutez, j'enquête sur vous. Puis là, ben écoute, elle avait jamais fait de demande d'accès à l'information, jamais traité ça. Donc là, il a comme un peu fallu que je lui explique comment ça fonctionne. Je l'ai redirigé aussi à la commission d'accès à l'information parce qu'il y a des professionnels qui sont là pour aider aussi bien les demandeurs de l'information que ceux qui doivent traiter les demandes. Elle s'est fait épauler par une avocate, puis j'ai fini par avoir mes documents, j'ai fini par prouver effectivement que il y avait eu beaucoup trop de contrats donnés comme ça sans appel d'offres et que c'était illégal. Mais c'est sûr que normalement, dans une organisation, quand il y a plus qu'une personne, le dossier doit être délégué s'il y a un conflit d'intérêt. Mais c'est quand même assez rare quand même qu'on se rende là. Mais effectivement, si j'avais enquêté sur un directeur général d'une municipalité, là, je pourrais peut-être passer par son adjoint, passer par le maire. Mais normalement, parce que à la base, dans la loi, ce sont les maires qui sont responsables de l'accès à l'information, mais pour dépolitiser le processus, un des premiers gestes qu'un maire fait, c'est déléguer la responsabilité au directeur général ou à un autre fonctionnaire de la municipalité. Mais tout ça pour dire que, de toute façon, si les documents sont publics en vertu de la loi, peu importe à qui on fait la demande, normalement, on est supposé y avoir accès. Bon. Retournons vers des questions un petit peu plus générales. Les journalistes régionaux portent vraiment souvent plusieurs chapeaux dans un contexte de manque d'effectifs. Ils doivent souvent publier sur plusieurs plateformes et de manière presque quotidienne, souvent quotidienne en fait. Face à ces impératifs-là, le journalisme d'enquête est-il possible en région? Et si oui, c'est quoi sa place? Ben effectivement, on manque de temps, on manque de ressources, mais ça veut pas dire qu'on fait pas du bon journalisme en région. Faut faire des choix. c'est sûr, mais je pense que le journaliste d'enquête a sa place dans tous les médias. L'enquête, ça veut pas toujours dire à se mettre un micro puis une caméra cachée puis à aller filmer. Des fois, c'est juste d'éplucher des documents et des documents et des documents. C'est sûr que des fois, quand on a 4 conférences de presse dans une journée ou une entrevue, une couverture ailleurs, des fois, ben ça fait que l'enquête, elle met juste plus de temps à être faite. Mais à la base, on peut arriver à faire quelque chose. Il faut juste avoir la patience et la persévérance. Et il y a énormément de matière à enquête un peu partout. Il faut juste que le journaliste ait la volonté puis la patience de s'y atteler. Et ça peut donner d'excellents résultats. Puis en fait, je pense que c'est vraiment ça le cœur de notre métier. On n'est pas là juste pour rapporter les gros chèques qui sont donnés par des organismes de la région. Là. Mm-hmm. Notre rôle, c'est vraiment de prendre la peine, de s'imprégner du milieu dans lequel on est. On se met les deux mains dedans et on creuse. Puis pas pour nécessairement trouver des scandales. Des fois, une enquête, ça peut être positif puis ça mène à des changements. Le but, c'est vraiment de dire, ben moi, comme membre de cette communauté-là, tu sais, je peux pas m'impliquer, je peux pas être sur le CA de tel organisme parce que je vais me trouver en conflit d'intérêt. Mais d'aider mes concitoyens à mieux comprendre le milieu dans lequel ils vivent, puis peut-être que ça va mener à des changements positifs collectifs, bien, c'est une façon aussi de contribuer. Il faut voir ça comme ça. Il y a aussi des histoires très locales qui peuvent prendre une ampleur nationale. Effectivement. Ça, c'est la loi, en fait, de l'insolite, du fait divers. C'est souvent ça. C'est, je veux dire, les médias nationaux ont leur rôle à jouer, puis ils ont des plateformes qui sont beaucoup plus grandes, ils ont plus de marge de manœuvre que les petits médias règle générale. Mais ça arrive qu'une histoire très, très, très locale, de par son caractère humoristique, je pense par exemple à Saint-Théodore d'Acton, le monsieur qui était pas content que sa femme le laisse, qui a pris son camion pour il a amené une grosse, grosse roche devant son driveway, puis elle pouvait plus sortir, puis il a dit « Tu voulais une garnotte? Ben, lave-la. » Ça avait fait le tour du Québec, ou des fois, là, récemment, la Voix de l'Est, ben, c'était une histoire d'un chat qui a été recherché. Là, ils ont fini par le retrouver, mais ces histoires-là, règle générale, ça touche l'intérêt des gens et ça voyage. Donc, pourquoi un média national se priverait-il de cette nouvelle-là, tu sais. L'important, c'est de la reprendre et d'attribuer le crédit. Tu sais, souvent, on a des médias de Montréal qui vont revenir en région, ils vont refaire le même travail, mais ils vont jamais dire que c'est sorti en premier dans un média local. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est légal. Ouais. Il y a aussi des histoires qui, par leur implication, vont déborder un petit peu la région dans laquelle elle a été trouvée. Il me semble que vous, dans un de vos livres, vous parlez d'une histoire à un Tim Hortons, si je me rappelle bien, qui avait des conditions qui étaient inappropriées. Ouais, ben effectivement, cette histoire-là, je l'avais réalisée avec Michel Laliberté à l'époque. C'est qu'on avait appris que dans les Tim Hortons de notre région, qui appartenaient aux mêmes franchisés, il y avait raccourci les pauses café pour compenser la hausse du salaire minimum, ce qui faisait en sorte que ce changement-là à l'horaire des employés leur faisait gagner moins que le salaire minimum. Donc, finalement, c'était un peu illégal. Puis c'était une espèce de tour de passe-passe. Puis on trouvait ça bien spécial. On avait titré « Fini les pauses café chez Tim Hortons ». Et, bon, Tim Hortons étant une chaîne, maintenant, on peut dire une multinationale, parce qu'on en retrouve aux États-Unis avec son rachat par Burger King, si je me trompe pas. Ben, en fait, c'est là, on voit, c'est que tout le monde a un Tim Hortons au coin de sa rue. Tout le monde sait c'est quoi Tim Hortons. Donc, cette nouvelle-là, elle a été reprise d'un océan à l'autre. Et pour un des journalistes locaux ailleurs au Canada, par exemple, ben là, on peut utiliser cette nouvelle-là et rebondir en allant voir notre propre franchisé Tim Hortons pour lui demander est-ce que vous, c'est le genre de choses que vous avez déjà faites ou que vous envisageriez de faire avec la hausse du salaire minimum? Il y a moyen d'aller chercher une nouvelle qui se passe ailleurs et de voir localement si ça a des impacts, si ça peut se passer chez nous. Donc, c'est pas vrai que notre territoire, notre terrain de jeu est limité à la municipalité qu'on couvre. On a le monde entier qui peut nous inspirer. Il y a d'ailleurs aussi des thèmes qui nous touchent ici, en ville, mais qui ne sont pas nécessairement à notre portée. C'est le cas notamment de plusieurs forêts. On va parler d'environnement, de conservation des espèces. C'est quoi ces thèmes-là qui sont propres peut-être aux régions, mais qui devraient intéresser tout le monde? En fait, je pense pas qu'il y a des thèmes qui sont propres aux régions, parce que même si on fait juste regarder la thématique des forêts puis de l'environnement, peut-être que les gens qui habitent à Montréal n'en ont pas proche de chez eux dans leur quartier, mais peut-être que ces gens-là, la fin de semaine, ils vont dans les cantons de l'Est, ils vont se promener dans les forêts. Fait que peut-être que ça va avoir un impact sur leur vie si jamais cette forêt-là disparaissait. T'sais, en fait, on est des humains, peu importe où ce qu'on est sur la planète. Évidemment, les médias, ben, quand on est affecté selon notre géographie, on va ressembler un peu à un miroir de la communauté, c'est-à-dire qu'on va être teinté de la culture, de l'histoire de notre milieu. On va utiliser peut-être des expressions qui sont propres à notre région, dont la façon de traiter l'information. Mais à la base, on est des êtres humains et on est, je veux dire, même si mon journal il touche la ville de Granby ou la ville de Coaticook, au-delà de ça, les gens qui habitent ces villes-là, ce sont des Québécois, ce sont des Canadiens, ce sont des Nord-Américains, ce sont des êtres humains. Donc, toutes ces histoires-là, tout est dans tout, comme veut l'expression. T'sais, je veux dire, il y a moyen de trouver des liens partout. Donc, on peut pas dire qu'il y a un sujet qui s'adresse juste à une personne ou juste à une autre personne. T'sais, même si, par exemple, j'ai un texte qui parle des conditions de travail des infirmières, je n'ai pas d'infirmière dans ma famille, je ne suis pas infirmière, mais pourtant, je suis un usager du système de santé. Donc, il y a toujours un lien à faire. Et en fait, c'est cette raison-là pourquoi les gens devraient s'informer davantage dans les médias, parce qu'ils se rendent pas compte à quel point il y a tout a une implication, tout a des conséquences sur notre vie de tous les jours. On va peut-être se tourner vers une autre question. On est ici dans une station école. Paul et moi avons passé la session à faire des reportages en région à partir de notre patelin montréalais. C'est quoi les bonnes pratiques? Et c'est quoi les conseils que vous donneriez à des jeunes journalistes qui vont s'installer en région? Ben en fait, c'est de pas nécessairement voir ça comme du petit journalisme. Longtemps, le journalisme en région a été regardé de haut par Montréal, entre autres. Puis c'est encore le cas dans certains médias, dans certains journalistes qui voient ça. En tout cas, j'ose croire que depuis que je suis dans les régions, donc depuis 12 ans que j'ai contribué à un peu renverser cette image-là préconçue qu'être journaliste en région, c'est pour les gens qui ne sont pas ambitieux, qui ne sont pas bons. Parce que, au contraire, je veux dire, peut-être que si on va à Montréal, ben là, c'est qu'on se retrouve avec plein d'autres journalistes qui veulent faire la même chose que nous. Alors que si on va en région, ben peut-être qu'on va être tout seul, on va avoir un terrain de jeu à nous tout seul pour s'amuser, trouver des histoires, avoir peut-être plus de liberté aussi dans nos sujets, au-delà là, des impératifs du quotidien, là, où ce qu'on a des conférences de presse, tout ça. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai eu du plaisir pendant les 10 ans que j'étais à La Voix de l'Est. J'ai pu faire des sujets que je pensais pas que j'aurais pu faire. Et je me suis jamais laissé dicter non plus les limites par le territoire. Je pense que c'est... On est journaliste, peu importe où on est journaliste. Ce qui est essentiel, c'est de faire le travail dans les règles de l'art, donc avec bonne foi, dans la recherche de la vérité, dans le respect des normes que dicte la profession. Mais ce que ça prend essentiellement, c'est de la curiosité puis de l'honnêteté intellectuelle. Vous avez parlé du rapport de Montréal et des journalistes montréalais aux régions. Est-ce que les médias nationaux remplissent suffisamment leur rôle ou occupent suffisamment d'espace en région? Ou est-ce qu'ils sont trop montréalo-centriques? Je sais qu'on a parfois accusé certains journaux d'être un petit peu trop revirés sur eux-mêmes. Ben en fait, ça dépend toujours. Tu sais, je pense qu'il y a des phases. Des fois, un média va l'être un peu pendant un certain temps. Après ça, il va sortir quelque chose sur les régions. C'est sûr qu'il y a quelque chose que j'ai observé beaucoup dans ma carrière, c'est justement quand un média national de Montréal a envie de parler de quelque chose en région, il va venir et il va probablement refaire le travail d'un journal. C'est déjà arrivé qu'un quotidien montréalais, je le nommerai pas, même peut-être 2 ou 3 quotidiens montréalais différents à plusieurs occasions, sont venus dans notre région et ont refait une espèce de résumé d'une série de reportages d'un sujet qu'on a suivi sur peut-être 1 an, et eux arrivent au bout 1 an, ils font un résumé de tous nos papiers et ils se font un dossier pour le samedi avec ça. Donc, c'est quand même, il y a une préoccupation, mais à ce moment-là, est-ce qu'ils font ça parce qu'ils sont paresseux ou ils font ça parce qu'ils n'ont peut-être pas les ressources pour couvrir les régions adéquatement? Tu sais, il y a cette question-là aussi, parce qu'en ce moment, je veux dire, il n'y a pas un média là, qui va dire qui fait de l'argent comme de l'eau puis qui se préoccupe pas de son futur, malgré les aides, malgré les crédits d'impôt, malgré les dons. Je veux dire, les gens ne consomment plus l'information de la même façon. Les médias ne sont plus ce qu'ils étaient. Il faut qu'ils se réinventent puis qu'ils trouvent une façon de tirer leur épingle du jeu. Donc, tu sais, est-ce qu'on est pas vraiment en compétition? L'important, c'est qu'il y ait des journalistes un peu partout. Ouais. T'sais? Fait que moi, je me dis, ben, s'il y a une petite municipalité, a pas son journaliste, mais qu'il y en a un de la grande ville qui se pointe puis qui sort un super beau reportage, ben c'est déjà ça. Oui, parce que même dans le cas dont vous parliez, qu'un journaliste national vient et fait un résumé de ce que vous avez déjà couvert, ça peut quand même servir l'intérêt public, non? Ben voilà, c'est sûr que moi puis mes collègues, mettons, on se regarde, on dit « bon, il est venu faire notre affaire, il aurait dû dire que ça vient de nous autres », mais en même temps, ben il faut comprendre que ses lecteurs à lui ne sont peut-être pas les mêmes que nous, fait qu'eux ne savent pas, mais ils vont savoir au moins que la nouvelle, je veux dire, à un moment donné, c'est des petits... des petits agacements de corporatifs, mais tu sais, je veux dire, au-delà de ça, je veux dire, comme journaliste, notre principale préoccupation, c'est que la population soit adéquatement informée, peu importe par qui. Mm-hmm. Après ça, ben là, on a des amis, on a des gens qu'on aime un peu moins dans l'industrie, mais ça, c'est dans n'importe quel métier. Mais il pourrait quand même y avoir un degré d'attribution peut-être un petit peu plus adéquat. Je pense que c'est quelque chose qui se parle de plus en plus, non? Ça s'appelle la courtoisie. Il y en a qui l'ont déjà. Il y a des fois qu'il y a des reportages qui ont été faits puis qui attribuaient la source originale, on l'apprécie dans ce temps-là, mais ça, c'est encore une fois, c'est une question personnelle, ça dépend du journaliste ou même du média. Donc, mais bon, l'essentiel, c'est l'information, elle est là, elle est disponible pour la population. On l'a dit en début d'entrevue, vous avez commencé votre carrière dans un temps de crise pour le journalisme. Aujourd'hui, cette crise-là semble s'être un peu adouci. Comment voyez-vous le journalisme local dans 10 ans? Ben en fait, ça va dépendre à quel point la population va être au rendez-vous. Tu sais, je veux dire, on parle beaucoup des médias qui se battent pour leur survie, mais il y a une partie de la solution qui dépend aussi de la population. Est-ce que les gens vont être encore au rendez-vous pour nous lire? Tu sais? Nous, notre rôle, c'est d'être le plus pertinent possible en tout temps pour rappeler qu'on est essentiel à la démocratie. T'sais. Mais il faut que la population continue de nous consommer. T'sais. Donc là, est-ce que les gens vont continuer de s'abonner à leurs médias locaux? Est-ce qu'ils vont continuer de le lire s'il vient chez eux? Est-ce qu'ils vont regarder la télévision communautaire? Tout ça, c'est vraiment un tout. Parce que dans le fond, je veux dire, on a beau faire du super journaliste, s'il n'y a personne à l'autre bout qui nous lit, ben on travaille un peu pour rien, tu sais. Donc, il y a ça aussi. Moi, je pense que ça passe par l'éducation aux médias, entre autres, aussi bien dans le cursus scolaire que grand public, de rappeler l'importance que le média a dans sa communauté, tu sais. Et c'est vraiment ça, en fait, là, qu'il faut qu'on se demande comme société, c'est est-ce qu'on serait capable de vivre sans nos médias? Parce que, tu sais, je veux dire, entre 2005 puis 2015, il y en a plein qui ont disparu des médias, on s'en rendait même pas compte. Et je veux dire, ces gens-là, ben là, qui vivent dans des milieux qui sont pas desservis, ben ils savent pas ce qui se passe chez eux, finalement. Je pense que c'est une belle façon de conclure. Marie-Ève Martel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On continuera à vous lire. Merci beaucoup! C'était Marie-Ève Martel dans une entrevue de Renaud Chicoine-McKenzie, produite avec l'assistance de Paul Fontaine. Merci à Tracy Lindman, notre mentor dans le cadre du programme de la Canadian Association of Journalists. Merci également à notre chercheuse Daphné Saint-Louis Ventura. Notre musique originale est composée par Hugo Mérand et cette émission est co-réalisée par Renaud Chicoine-McKenzie et moi-même, Paul Fontaine. Nous remercions pour leur soutien financier la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, ainsi que l'Association des étudiants et étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Je suis Paul Fontaine et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 8h sur les ondes de CISM pour être de nouveau à l'écoute du territoire.